Je m'appelle Danielle, j'ai 60 ans, je suis à la retraite depuis un an, j'ai travaillé pendant 40 ans à l'usine. L'avenir. Un trou noir. Je me dis, je vais le jour au jour d'aujourd'hui et après demain, je sais pas. Parce qu'il n'y a rien de positif dans ce qui se présente. Surtout pour les jeunes, trop nombreux, pas avoir fait de travail. Je suis retourné dans l'intérim et là en ce moment je suis en CDD. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, c'est la faute du système. Justement, réinsérer les jeunes, leur donner du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Écoute-les, ils ont tous leur histoire, lis leur regard, ils la reflètent comme un miroir. Ils sont tous différents, mais tous semblables, innocents, même si beaucoup portent des têtes de coupables. Leurs conditions de vie expliquent ce même tabard, leur manque de perspective justifie ce même désespoir. Le destin sonne pour tous au même diapason, pas besoin d'être de femme pour comprendre la situation. Ici des femmes élèvent seuls leurs enfants, cumulent des jobs bidons pour les élever décemment. Ici des jeunes sont pris pour des pigeons, compromis du chômage en intérim avec un pompon. Des types paumés traînent toute la journée. Longue carrière de RMI, 40 balles passées. Je parle de familles déchirées, d'hommes compressés. Des conséquences au manque, au droit du travail. Ils prétendent que pour surmonter la crise, l'Europe peut être la solution. Mais la construction d'un empire avec le même mode de production ne changera pas nos vies ni nos situations. Au nom de l'Europe, démantèlement des états souverains. L'empire allemand contre l'empire américain. Division du peuple, communauté et religion. Quelques indicateurs avant l'explosion. Le peuple suffoque, asphyxie. Enquête, trop de coups, apoplexie. Y'a plus de réflexe, puisqu'on cultive l'apathie. Sans appétit, mental ou crête, anorexie. Le peuple suffoque, asphyxie. Enquête, trop de coups, apoplexie. Y'a plus de réflexe, puisqu'on cultive l'apathie. Sans appétit, mental ou crête, anorexie. Ce qui fait la richesse de l'Europe, c'est bien entendu sa diversité. Donc il faut... C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous avons tant besoin de l'Europe. Je vois ce que cachent tous ces discours. Il est facile de diriger un homme qui ne réfléchit plus. Un homme isolé ou bien un homme corrompu. Tout le monde le sait, une banalité. Tout le monde est consterné. Le problème, le peuple tout entier est concerné. Parce qu'ils ont fait de nous un peuple désuni. Une agrégation d'hommes démunis et avilis. La technique se met le trouble. Masquer les enjeux, créer des haines, jeter la poudre aux yeux. Ils nous divisent en petits groupes, en communautés. Nous hachons petits morceaux avec des identités. Substituent les problèmes de classe par des problèmes de race. Nous voilent la face avec mensonges et tours de passe-passe. Aujourd'hui le monde est en feu et à sang. La future puissance de paix nous mettra tous en rang. Peuple contre peuple pour faire de la chair à canon. Au milieu d'une guerre entre puissances en conclusion. On veut nous faire croire que pour surmonter la crise, l'Europe peut être la solution. Mais la construction d'un empire avec le même mode de production ne changera pas nos vies ni nos situations. Au nom de l'Europe, puissance de paix, monnaie unique, intégration, droit du sang, clivage ethnique, abrutissement du peuple, langue et régionalisation. Quelques indicateurs avant l'explosion. Le peuple suffoque, asphyxie. Enquête, trop de coups, apoplexie.